Question 6. Ce danger me concerne ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Concerne les usagers arrivant en sens inverse ? Oui, réponse C. Non, réponse D.